Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gaumet-Dupré 1862. Question 53. De la résurrection du Christ. Nécessité de la résurrection du Christ. Convenance de son accomplissement le troisième jour. Sa supériorité sur les autres. Sa cause. 1. Était-il nécessaire que le Christ ressuscitât? Il fallait, dit l'Écriture, que le Christ souffrît et qu'il ressuscitât d'entre les morts. Luc 24, 26. La résurrection du Christ était nécessaire pour cinq motifs. Premièrement, pour manifester la justice de Dieu, à qui il appartient d'élever ceux qui s'abaissent à cause de lui. Comme le marque cette parole, il détrône les puissants et il exalte les humbles. Luc 1, 52. Le Christ s'était humilié, par charité et par obéissance, jusqu'à la mort de la croix, il devait être exalté jusqu'à la résurrection, qui conduit à la gloire éternelle. Deuxièmement, pour affermir notre foi à la divinité du Christ, qui, selon l'expression de saint Paul, crucifié à raison de l'infirmité de sa chair, vit néanmoins par la vertu de Dieu. 2 Corinthiens 13, 4. Car, s'il n'était pas ressuscité, continue le même apôtre, notre prédication serait vaine, et votre foi le serait aussi. 1 Corinthiens 15, 14. Troisièmement, pour fortifier notre espérance, lorsque nous voyons notre chef ressuscité, nous sommes portés à espérer que nous, qui sommes ses membres, nous ressusciterons à notre tour. Si l'on prêche, disait très bien l'apôtre, que le Christ est ressuscité d'entre les morts, se peut-il qu'il y en ait parmi vous qui ne croient pas à la résurrection des morts? 1 Corinthiens 15, 12. On connaît aussi ces paroles de Job, 19, 25, « Je sais que mon Rédempteur est vivant et que je ressusciterai moi-même au dernier jour, c'est l'espérance que je conserve dans mon cœur. » Quatrièmement, pour donner un modèle à la vie des fidèles, suivant ce double mot de Paul, « Comme le Christ est ressuscité d'entre les morts pour la gloire de son Père, ainsi nous devons marcher dans une vie nouvelle. » Romains 6, 4. Le Christ, ressuscité d'entre les morts, ne meurt plus. Regardez-vous aussi comme étant mort au péché, et ne vivez plus que pour Dieu. Idem, 9. Cinquièmement, pour compléter l'œuvre de notre salut. De même que le Christ a été humilié par sa mort et a enduré tant de maux pour nous délivrer de la mort et de tous les maux, ainsi il a été glorifié par sa résurrection, afin de nous élever à tous les biens. Ce n'était pas une autre pensée qui faisait dire à l'apôtre, livré pour nos péchés, il est ressuscité pour notre justification. Romains 4, 25. Note. La passion du Christ a proprement opéré notre salut en nous délivrant de nos maux, sa résurrection a été le commencement et le gage des biens éternels qui nous sont promis. Fin de la note. 2. Convenait-il que le Christ ressuscitât le troisième jour? Voici ce qui était prédit, le Fils de l'homme sera livré aux gentils, qui en feront un sujet de dérision, qui le flagelleront et le crucifieront, mais il ressuscitera le troisième jour. Matthieu 20, 19. Puisque la résurrection devait contribuer à établir la foi à la divinité du Christ, elle ne pouvait pas être différée jusqu'à la fin du monde. Elle ne devait pas non plus avoir lieu immédiatement après la mort du Christ, de peur que la vérité de son humanité ne fût révoquée en doute. Or il suffisait qu'elle fût différée au troisième jour, car il n'arrive point qu'un homme vivant, qui paraît mort, ne donne pas, Dans un tel espace de temps, quelques signes de vie. Il convenait, on le voit, que le Christ ressuscita le troisième jour. Note. Il est mort le soir, pour marquer qu'il allait détruire les ténèbres du péché, il est ressuscité le matin, pour signifier qu'il nous ouvrait l'entrée de la gloire. Fin de la note. 3. Le Christ est-il le premier qui soit ressuscité? Le Christ est ressuscité le premier de la résurrection parfaite qui conduit à la vie immortelle, comme le marque cette parole, le Christ, ressuscité d'entre les morts, ne meurt plus. Romains 6, 9. Mais, pour ce qui est de la résurrection imparfaite qui n'exemple point de mourir une seconde fois, d'autres sont ressuscités avant lui, pour figurer sa propre résurrection. 4. Le Christ a-t-il été la cause de sa résurrection? Personne ne me ravit l'âme, disait-il lui-même, mais je la quitte et je la reprends de moi-même. Jean 10, 18. La mort n'ayant séparé la divinité du Christ ni de son corps ni de son âme, son corps, par la vertu de sa divinité, a repris l'âme qu'il avait quittée, et l'âme a repris également le corps dont elle s'était séparée. En ce sens, il a été l'auteur de sa résurrection. Voilà pourquoi l'apôtre dit, « Quoique le Christ ait été crucifié à raison de la faiblesse de la chair, il vit par la vertu de Dieu. » 2 Corinthiens 13, 4. Markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.